que tu me prennes ou me déprennes sous la rime lunaire. Nos corps iront désarimer l'ennui à l'encre même des mots. Que tu m'embrasses ou me délaces, nos bras deviendront stances dans la strophe de nos hymnes. Que tu me poursuives ou que tu me ponctues, la phrase deviendra rythme sur le lit de nos litanies. Que tu me déshabilles ou que tu me rhabilles, nos corps se souviendront de l'ivresse. Nos corps se souviendront.